Tourbillon. Après des problèmes à la douane du Maroc et après ces à la douane de la Mauritanie, maintenant j'étais au Sénégal. Mon bateau, tout devrait bien se passer. Eh bien non. Après l'interdiction de ma remorque, après l'interdiction de ma personne, cette fois, c'est l'interdiction d'entrer au Sénégal de mon fourgon. Trop âgé. Une loi sénégalaise interdisait aux véhicules de plus de 5 ans d'entrer sur leur territoire. Cette loi, sous couvert d'écologie sécuritaire, avait pour but réel d'enrichir les fils du chef de l'État, Karim Ouad, ces rejetons privilégiés étant les directeurs de l'usine automobile Tata ainsi que le principal importateur de voitures. Donc, le fait d'interdire l'entrée des vieilles voitures obligeait la population à acheter ces voitures neuves. Pour la grande majorité, ils n'en avaient pas les moyens et cette loi provoquait sur les véhicules déjà en circulation une pénurie des pièces détachées, notamment les plus élémentaires comme les systèmes de freinage. Une caricature en matière de mauvais état. Mon fourgon, lui, roulait bien, mais le voilà arrêté sur le parking du barrage de Djama. C'est un vrai barrage, pas un barrage de police, c'est-à-dire une construction en béton immergée et surmontée d'une route permettant de traverser le fleuve. À chacune de ses extrémités, il y a une douane, Mauritanie-Sénégal. À 1 km à l'ouest, c'est l'océan, et à 1 km à l'est, c'est la ville de Djama, avec plus de 2000 personnes. Il est équipé d'une centrale hydraulique et produit un peu d'électricité, mais sa fonction principale est d'empêcher l'eau salée de remonter le fleuve Sénégal. Il rend ainsi le berge cultivable sur 200 km en amont. Les habitants du fleuve parlent Wolof, ou dans cette langue sénégale, veut dire c'est ma pirogue. Bateau originellement taillé dans un arbre et pouvant accueillir maximum 4 personnes. Alors 10 millions. Chaque famille avait des membres sur chaque berge. Autant dire que pour la population des deux rives, la frontière est une illusion qu'essayent d'imposer les fabricants d'uniformes et des maillots à numéros. Pour ne parler que du football, c'est un jeu de tocard pour tocard. Quand les équipes sont faites par zone et pas par affinité, c'est battre pour un terrain et un but vide d'essence, l'honneur. Je sortais d'un pays dit arabe, la Mauritanie, dont les noms avaient une origine latine, pour entrer dans un autre dont l'origine du nom était encore plus stupide. Ma maison restant stationnée sur ces parkings pendant 2 mois. Ce séjour m'a permis de tisser quelques liens d'amitié avec les jeunes, le gardien du parking, la cuisinière pharmacienne, mais l'un d'eux m'a particulièrement marqué car c'était une personne assez extraordinaire physiquement et professionnellement. Quand on passe par la douane des Djama, on est accueilli par une horde d'enfants, comme partout sur les routes africaines et comme partout cette horde a un chef. Mais ici, c'est un adulte atteint de nanisme, un homme avec petite taille. Il s'appelle Cher. Il avait 18 ans et ressemblait à un enfant de 8 ans, donc 10 ans d'expérience avec cette apparence d'enfant. Dans la mission d'obtenir le maximum des cadeaux, c'était devenir un très grand champion. J'ai observé les tactiques de sa jeune équipe. Les ballons sont les personnes au crâne vide ou remplies de conneries, comme les nationalistes, les racistes ou les religieux. Ces losers ne pouvaient pas se défendre face à eux. Et cela, à l'aller comme au retour. Les enfants marquent et remplissent leur filet. Leur force est dans leur super organisation. Il y a des guetteurs de 8 ans avec des téléphones portables. Des appels des renforts pour les grands convois, des passages de relais entre les enfants, des blocages psychologiques, du harcèlement moral, de la mise en scène, des dribbles. Un grand match de charité business, via l'exploitation du sentiment des culpabilités coloniales et ou dédouanement du plaisir à venir ou reçu. C'est du travail de pro et d'équipe. Donc à la fin, tous les cadeaux sont centralisés et redistribués pour que chacun ait sa part, quel que fût son rôle, du buteur au gardien de but. Les ballons sont revendus dans les autres villes. C'est génial. Félicitations. Bravo. Personnellement, j'accorde le même respect à un enfant qu'à un adulte. C'est pourquoi, dès mon arrivée, je me suis bien entendu avec Cher, les capitaines des enfants. Cependant, même si j'étais aux premières loges du spectacle, je ne me suis jamais aperçu qu'il avait 18 ans. C'est son petit frère qui est venu me le dire après 3 semaines. J'ai même cru qu'il me mentait quand il me disait qu'il partait à 4 heures tout le matin, seul avec sa pirogue, et que les poissons qu'il me vendait, c'est lui qui l'avait pêché. Pêcheur était son deuxième métier. À propos de la pêche, le barrage des diamants, c'est l'embouchure. Il est conseillé d'y manger du poisson car c'est un des rares endroits où on peut choisir entre d'eau douce ou d'eau salée pour un poisson attrapé quelques minutes auparavant, vendu encore vivant. Un proverbe chinois dit que si tu donnes un poisson à un homme, il mangera une journée, et si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie. J'y rajouterai que si tu lui apprends à construire des bateaux, il sera le maître de l'avenir de ses enfants et sera globalement responsable. Or, je n'étais pas venu pour manger des poissons, mais pour faire manger tout le monde. Pour le faire, j'essayais de trouver une solution pour rouler avec mon fourgon jusqu'à Dakar. Les 30 jours de démarches administratives aboutirent à devoir payer 700 euros pour pouvoir circuler pendant quelques mois au Sénégal. C'était toujours hors de question. Céder à leur magouille, c'était légitimer leur loi débile vis-à-vis de la vie. C'est dommage, car j'apportais des technologies qui leur auraient profité en vie. Les deux principaux problèmes de Dakar étant le prix du pétrole et les coupures de courant. Je voulais transmettre le pouvoir d'utiliser l'huile d'arachide comme carburant et le pouvoir de fabriquer des éoliennes à partir des vieux alternateurs de voitures. Mon éolienne, je l'ai démontée sur le parking du barrage, puis transportée en kit jusqu'à la ville de Pikine, qui est dans la grande banlieue de Dakar. C'est là où se trouvent quasiment tous les artisans. Il y a tous les corps de métier sans exception. Donc, c'est au bobinaire de moteur que j'ai apporté l'alternateur. C'est au menuisier que j'ai apporté l'hélice. C'est au chaudronnier soudeur que j'ai expliqué la structure. Ils étaient tous surqualifiés pour la partie de l'éolienne en question. Il manquait juste une coordination pour qu'ils travaillent ensemble. Voilà le problème. Chaque artisan travaille dans son coin et travaille une matière. Le forgeron fait des chaises en fer et le menuisier fait des chaises en bois. Or, ils auraient tout intérêt à faire la structure en fer et l'assise d'acier en bois. De plus, un cordonnier pourrait faire les tapissages et les coussins. Au final, il y aurait une chaise plus solide, moins chère, plus confortable, et un réseau commercial plus grand. Pourquoi ne le faisait-il pas? À cause du racket des racailles des fonctionnaires et son bras armé, la police. Lorsqu'il s'organisait, la police débarquait et exigeait de l'argent, puis toujours plus d'argent. Aucun développement possible, et c'est jusqu'à la mort des cellules d'artisans. Ces parasites ont tué et tué tous leurs projets industriels. Voilà l'objet de ma venue. Les protéger de cette peste nationale en finalisant l'association. Elle permettrait de faire travailler légalement les artisans entre eux. Mais cela allait aussi jusqu'à les associer avec les agriculteurs, le pêcheur et les éleveurs, en permettant d'avoir des échanges en nature à l'intérieur de l'association. Son nom était Association des bureaux d'études humains. Cela va avoir une grosse importance par la suite. Donc, je vous rappelle que 8 ans plus tôt, j'étais responsable assurance qualité dans un bureau d'études de 130 personnes. Et donc, je sais ce que c'est qu'un bureau d'études. Un bureau d'études est une organisation visant à concevoir de nouveaux produits à partir des savoir-faire et ou en rassemblant des produits existants, tout en coordonnant les corps de métier en vue de leur matérialisation. Parfait pour une association d'artisans. Cela faisait 4 ans qu'avec mon cousin Gala, nous avions entamé les démarches administratives pour ouvrir l'association. Tout était plus que parfait et prêt. Nous avions le premier membre dûment inscrit qui venait pour la plupart de l'organisation du commerce équitable, précédemment tué par la police. Nous avions des membres du bureau élus démocratiquement, pas comme dans la plupart des pays africains. Nous avions le fonds issu de la société V360 sur un compte sénégalais. Plus de 3 000 euros prêts à être transférés. Nous avions l'appui des chefferies des quartiers, plutôt habitués à des associations sportives. Nous avions la promesse d'adhésion de nombreux artisans, notamment des membres du groupe religieux, des Baïfal. Nous avions le contact chez les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs, la production étant orientée à les satisfaire. En plus, j'avais fait toutes les démarches en France pour transférer à cette association mon héritage paternel, c'est-à-dire pour une valeur immobilière de 70 000 euros ou 45 millions de francs CFA. Seul petit problème, le vieux chef de la police du commissariat de Pikine, qui depuis 1 an bloquait la légalisation en exigeant ma présence. Traduction. Quelles que soient les procurations, je vais en bactis. C'est donc en personne, après 4 rendez-vous au commissariat et beaucoup de tracasseries, que j'ai obtenu ces procès-verbaux sans verser un centime à ces parasites. 3 semaines après, ce vieux moustique a été mis de force à la retraite. Les dossiers de l'association étaient sans faille. Ils avaient été vérifiés et validés par le ministère. Les documents avaient été envoyés au service des enregistrements qui devait nous transmettre un numéro d'identification administratif. Un simple détail. Je pouvais partir et considérer que l'officialisation de l'association des bureaux d'études humains était faite. Autre formalité. Comme le Sénégal n'était qu'une étape vers la fonderie, 8 000 kilomètres plus loin, il me fallait refaire un passeport pour continuer ma route. Sur le site internet de l'administration sénégalaise, ils étaient marqués obtention en 3 jours et un seul rendez-vous. Optimiste. Dans mon cas, il a fallu 20 rendez-vous auxquels j'ai dû consacrer 15 jours et plus d'un mois d'attente pour obtenir mon nouveau passeport sénégalais. Un gaspillage de temps énorme, car entre le fourgon, l'association, les passeports et l'affaire Magdalena qui suit, j'ai passé 90% de mon temps à régler des problèmes administratifs. Pourtant, j'avais prévu de faire des choses bien plus rentables en vie durant les 2 mois au Sénégal. J'accuse les nations francophones africaines d'avoir calqué servilement leur organisation sur celle de la France. En le faisant, elles en sont devenues les prolongements gangrénant les biens communs, la vie. Amputation nécessaire. Il est remarquable que musulmans, catholiques et administrés veulent dire être soumis à être en dessous de tout et être au service d'eux. La question est toujours à qui, à quoi? Sujet des colons, aux riches, à l'argent, que des petites mesquineries. Sur tous les grands sujets, c'est la vie, et la vie ne tient pas dans un cadre hexagonal, mais sur un globe. Être responsable. Eh bien, un jour, alors que j'étais en train de vaquer à mes occupations au barrage des Djama, je vois Robert courant vers moi pour me saluer. C'était le jeune homme originaire de Pologne à qui j'avais facilité le franchissement des champs de mines de la douane mauritanienne. Après la joie de retrouvailles, il me présente à ses nouveaux amis. Il les avait rencontrés alors qu'il faisait sa demande de visa à l'ambassade mauritanienne à Rabat, Maroc. Il y avait un couple franco-polonais, un Marocain et sa copine polonaise Magdalena. Ils arrivaient tous d'Irembo, le rendez-vous des hippies, qui avait eu lieu dans le sud marocain. Ma première question à Robert fut « Que s'est-il passé dans le désert? Tu aurais dû être au Sénégal longtemps avant moi. » Via ses amis traducteurs, il me raconta qu'après avoir marché 35 km de nuit et en suivant la ligne du chemin de fer, au petit matin, il avait décidé de faire du stop pour les 5 derniers kilomètres. Malheureusement, la première voiture qui passa et s'arrêtant était remplie de policiers en civil. Retour expulsion directe au Maroc. Pas de chance pour lui, là où je sais que d'autres ont réussi à passer. Après quelques discussions et avant qu'il poursuive sa route, je lui ai donné mon numéro de téléphone au cas où. Un mois et demi après, je reçois un appel de Robert depuis le Mali. « Help! Magdalena, prison Dakar !» Il ne parlait ni français, ni vraiment anglais. C'est donc avec ces trois seules informations que je suis parti à vélo pour faire le tour des prisons. C'est vers 19h que je l'ai trouvé dans la prison pour femmes du quartier Liberté 6. En résumé, cela faisait 10 jours qu'elle était enfermée et c'est simplement parce qu'elle ne parlait pas français. Lors de son passage devant le juge, elle n'a pas pu expliquer qu'en rentrant du ministère de l'Intérieur, où elle était allée pour faire prolonger son visa, la police l'a arrêtée puis incarcérée pour défaut de visa. C'est là alors qu'elle avait dans la main les documents prouvant que son visa était en cours de prolongation. Je me suis donc présenté le lendemain à la nouvelle audience et me suis porté garant. C'est ainsi qu'après quelques malentendus, ma famille hébergea Magdalena. Ce fut pour moi l'occasion d'en apprendre sur le système carcéral africain. J'en parlerai plus précisément lors de mes futures détentions. Mais petit avant-goût sénégalais du système judiciaire français à la sauce Yassa. Si tu es un étranger non francophone et que tu ne peux pas payer un traducteur, tu restes en prison, où tu es obligé d'y travailler pour avoir les 100 euros, 50 000 francs CFA, pour expliquer ton cas à la justice. C'est l'étape avant celle de se défendre d'avoir commis un crime. Certaines prisonnières passent un an de travaux forcés pour avoir les moyens et les droits de s'exprimer devant un juge. Alors que la raison de leur détention est souvent fantaisiste, car avant l'incarcération, la réalité est encore plus sordide. Voici l'histoire brute de Magdalena. Néanmoins, on trouve tous les composants de l'histoire, du petit chaperon rouge, avec dans le rôle de la jeune fille, Magdalena, celui de la mère, l'employeuse, celui de la meule de beurre, le visa, celui des loups, macro, police, maton, justice, dans celui de la grand-mère, Robert, et celui du chasseur libérateur, moi. Il était une fois au bord d'un lac rose, une jeune altermondialiste du nom de Magdalena. Elle était jolie et sans un sou. Elle venait de trouver du travail comme palefrenière dans un haras pour chevaux. Sa patronne était une veuve d'origine française et c'est elle qui lui demanda d'aller faire prolonger son visa pour pouvoir continuer à travailler. Magdalena, étant originaire de Pologne, n'avait pas appris le français, mais comme elle voyageait depuis plus de 2 ans, elle maîtrisait les langues anglaises et espagnoles. Sur la route de Dakar, elle rencontre dans un bus un homme très luxueusement vêtu et surtout anglophone. Elle lui explique les raisons de son trajet. Lui, il lui fait des propositions de résolution rapide de son problème, mais aussi de venir habiter chez lui avec ses nombreuses autres femmes. Ce qu'elle refuse. À son retour du ministère, pas loin de la station de bus où elle l'avait rencontré, la police l'arrête et sans lui donner l'occasion de s'expliquer autrement qu'en passant par ses potentiels macros. Il la place en cellule puis la transfère en prison. Je vous laisse imaginer la suite pour une jeune fille de 18 ans ayant quitté sa famille à 16 ans. Des cheveux longs, un visage d'ange, une couleur de peau blanche, un corps de danseuse sans argent et en prison. Elle peut remercier Robert car l'histoire se termine bien. Après quelques jours, je la mettais dans un bus pour Bamako, Mali, où elle retrouvera Robert, Happy End. D'autres ont eu moins de chance. Ces pratiques sont l'aboutissement logique du système judiciaire répressif, des types français dans un système de type capitaliste. Au Sénégal, le poulet yassa est un plat et une recette nationale. C'est un poulet que l'on arrose avec du citron pour aider la digestion. C'est aussi un fonctionnaire que l'on arrose d'argent pour aider à la gestion, car il peut vous mettre dans la merde au bout de la démarche. C'est souvent la divergence entre la définition et l'usage d'un mot qui cache les mots. Par exemple, les mots aide et les mots aide publique. Un maquereau sénégalais a essayé d'aider Magdalena comme la France a aidé les populations africaines. C'est-à-dire que sous l'apparence des bons sentiments, il ou elle va vous mettre dans la merde pour que vous soyez dépendant de lui pour vivre. Un jeu de faux-semblants dans lequel au final tout le monde perd car plus personne n'est fait vivre. Entre être humaniste et paraître humaniste, c'est souvent une question de tenir sa parole ou pas. La répression des menteurs chez les humanistes, c'est d'homme à homme. Le but est de le mettre hors d'état, de nuire ou au moins de lui enlever une partie de sa capacité à continuer à vivre, car il vit au détriment des autres. Parasite. J'avais eu un problème en Espagne. Abdoulaye, un Sénégalais, m'avait emprunté 500 euros, puis avait disparu. Avant de repartir, j'ai décidé d'aller lui rendre une visite dans son lointain village des Brousses. Je le retrouve et il me jure devant Dieu qu'il va me rembourser. Je me doutais qu'il n'allait pas le faire car le faux prétexte pour me soutirer de l'argent avait été que sa fille était gravement malade. Or, j'ai appris ces jours-là par sa femme que cela n'avait jamais été le cas. Quand une personne se sert de la vie pour mentir, où est Dieu? N'ayant aucune nouvelle de lui, avant ma deuxième visite, j'achetais un marteau. Lorsque j'ai constaté que mon débiteur avait mis les voiles pour l'Espagne, j'ai commencé à détruire sa maison. Après quelques coups de marteau, sa famille s'attroupa et me promit de me rembourser le lendemain matin. Chose qu'elle fit. Manque les intérêts que je lui imputerai la prochaine fois que je les croise. Enfin, tous les problèmes étaient réglés. J'étais légalement, administrativement, paré et fin prêt pour partir. Je retournais au barrage des diamants pour récupérer mon véhicule maison.